Exercice 3. Consulat de France, bonjour. Bonjour. J'aimerais avoir des renseignements sur ce qu'il faut faire pour avoir un passeport. Oui, bien sûr. Alors, vous devez fournir un justificatif de votre domicile. Un justificatif ? Oui, une facture, par exemple. Ensuite, il nous faut deux photos d'identité parfaitement identiques au format de 3,5 par 4,5. Mmh. Un timbre fiscal de 60 euros et un timbre poste au tarif normal. Mmh. Il sera prêt quand ? Dans 3 semaines environ. 3 semaines ? Ça ne peut pas être plus rapide. Désolée, madame, ce sont les délais. Bon, d'accord. Merci, au revoir. Au revoir.